connu. Quai d'Orsay. Ah, je traduis Fred. Freddy Chibango. Martina Boyella, écoutez cette chanson qui est écrite pour te plaire. T'es la plus belle parmi les belles, la majesté des beautés dans la cour du roi. Je meurs d'envie de tes voix, tous les jours à mes côtés. Sylvain Zos, Henri Josie, quitte-toi, Papito Kindodi. Oh Martina Boyella, écoutez cette chanson qui est écrite pour te plaire. T'es la plus belle main parmi les belles mains, la majesté des beautés dans la cour du roi. Je meurs d'envie de te voir tous les jours à mes côtés. Bosco Boble, Bijou Mobunga, Alain Mia, Yoshi Kita, Jordan Kita, Kossi Kossimato, Bailo Gaibene, Yodo Nouméa, Eric Lucassi, Juan Lelo, Sanin Bengandinda, Weshu Wesha. T'as les yeux comme le soleil, bébé Mwamba. Ta bouche comme la lune, tes rouges à lèvres m'ont rougi les yeux. Yvonne Messoa, Yango na lingi, Yango na pomiso. Rigo Makengo, Emmanuel Adjousse, Eric Distin, Boulevard de Fresnes, Abidjan, 12 boules. L'honorable Feu, autrement on l'appelait le Parisien. Claude Excellence, Betty Kapamba. I love you, my sweet darling, in my heart. I need you, my sweet love. Bintolei, Martinae, Boelae, Shindukai, Iba Kunte, Wachimani no Kweu. Pauline Nzongo, la fille que j'ai dans mon lit n'a pas 20 ans depuis longtemps. Quand elle m'embrasse, oh oh oh oh, je sens monter la fièvre dans moi. Gaacha Bovoto, rage d'amour, viens marcher au-dedans de mon cœur. Tchelele, Benj Kidombe. Bolingwa boyela ezala na volonté en zambe o oh, e umela Chali ma foi. Martina, I love you, my sweet darling, in my heart. I need you, my sweet love. Martina, boyela e, Martina. Martina, boyela e, mi jete. Luisa Polondo, Pakajuma Bayard Dominique, Yazaza, Bohème Israël Ombe, Nenganini, Baganda Ibrahim, Apetinanda, Al Pacino, Pacheco Checo, Papa Miyake, Nandawa, Romuse, est-ce que vous avez une histoire de Billy qui est dans le Kasongo, BG Bessala, Chonganie, Namolo Kaye. Yes. makino mambo te makino madam foto chico makino mambo paparazzi makino madam.